Tu veux de l'oseille, je m'en bats les couilles moi. Ouais, je veux les pouvoirs de t'enlever la vie. Prends tes bouteilles, celle-là c'est pour moi. Mais, fais pas la bise, t'es pas mon ami. J'ai du meuf, meuf. J'ai du meuf. Dans la nuit, sur l'autoroute, t'inquiète pas. Mon bébé, je n'ai pas de dire, pas besoin de venir à 100, on est menaçant pour l'instant. Dans les avec elle, bien sûr qu'elle a 100. Ouais, je suis la vermine, de la vermine. Je suis à Berlin, dans une berline. Je vais en guerre comme Bjorn. Ouais, je fais un cachet Dior. Y'a 100 000 sur ton lit. La police, on les mains. Elle est belle, du Brésil. Je l'attaque, le matin.